Anniversaire très, très important aujourd'hui. Il y a 25 ans, le 2 décembre 1995, le Canadien affrontait les Red Wings de Troyes dans l'ancien Forum. Et évidemment, pourquoi c'est un anniversaire important? Ben, c'était le dernier match de l'un des plus grands gardiens de but d'histoire du Canadien. Peut-être même le plus grand, qu'on peut le dire. Patrick Roy quittait après avoir été... Après des scènes qu'on a vues à la télévision, demandant à Ronald Coré, le président de l'époque, qu'il était à son dernier match avec l'équipe. On en parle avec Marc Fortier. Salut Marc! Salut Danny. Marc, c'est un anniversaire extrêmement important. T'es pas d'accord avec moi? Écoute, pourquoi c'est important? Parce que ça a pris 15 ans aux Canadiens à s'en remettre de cette histoire-là. Ben, c'est sûr que d'échanger probablement un des deux meilleurs gardiens de but au monde à l'époque chez le Canadien, qui était probablement le meilleur, tu avais gagné deux Coupes cette année avec lui. Et puis tu décides de t'en départir, c'est sûr et certain que c'est une décision importante pour le Canadien, mais également c'est que le retour sur l'échange Ben non. avait peut-être pas rapporté autant qu'on le pensait. Alors c'est pour ça que ça a tourné, que c'était plus difficile que prévu cet échange-là. Est-ce que c'est l'inexpérience de Réjean Houle qui a fait ça? Parce que c'était un dossier tellement chaud à l'époque. Rappelle-toi, écoute, c'était chaud comme dossier, là. Puis on s'est empressé de l'échanger aussi, là. Ben oui, je pense qu'il y a eu, oui, il y a eu le manque d'expérience, mais également la pression, hein, lorsque tu étais avec le Canadien. On se cachera pas que c'est l'endroit le plus difficile peut-être dans la Ligue nationale pour diriger une équipe de hockey, autant comme entraîneur que comme directeur gérant. Et puis, comme tu l'as dit, tu sais, c'était des gars où ce que, tu sais, moi je pense que les compétences quand même d'un Mario Tremblay était peut-être là quand même, parce qu'il avait fait ses classes là, en tant qu'assistant-entraîneur, avant il se trouve entraîneur, alors que Réjean Houle, il était un peu tombé dans la gueule du loup comme ça. Là. On avait pris une décision de popularité plus que de compétence à cette époque-là, là, parce qu'on venait quand même de tasser des gros meubles là, du côté du Canadien. On voulait essayer de garder la faveur des gens, garder les gens contents. Alors, on avait ramené des anciens pour démontrer le sentiment d'appartenance que le Canadien avait pour leur ancien, mais on avait peut-être oublié le côté compétence lorsqu'on avait pris ce côté-là, cette décision-là. Non pas que c'est pas des gars compétents, mais c'est des gars qui n'avaient pas l'expérience pour commencer avec une équipe comme le Canadien. Est-ce que c'est Ronald Coré? Moi, je blâme toujours Ronald Coré dans ce dossier-là. T'sais, écoute, lui avait l'expérience. Il avait l'expérience du dossier, il avait l'expérience. Les deux autres ne l'avaient pas. Est-ce que Ronald Coré aurait dû. Moi, je pense que quelque part, il aurait dû organiser une pièce de théâtre, puis dire, regarde, il me semble que ça aurait été facile à faire. Si, d'abord, c'était connu que Patrick ne voulait pas jouer pour Mario Tremblay, ou était plus ou moins anti-chic de jouer pour Mario Tremblay. Donc, me semble que j'ai hâte de parler à Bernard Brossoit. Moi, il parlait tout à l'heure. Bernard Brossoit, il était carrément à l'intérieur du club, comme Yves Racine aussi. Mais il me semble que, vu de l'extérieur, une pièce de théâtre disait, regarde, en plein samedi soir, c'était un match, il y avait de l'émotion. Ça aurait été facile à régler. Et puis en attendant, tu dis par en arrière, tu dis à Patrick, regarde, on va t'échanger, c'est sûr, mais laisse-nous un peu de temps pour conclure la bonne transaction. Ouais, mais c'est facile, Danny, Ouais, de le c'est sûr faire que c'est trop après, facile à là. dire. Non, non, non. Puis, tu sais quoi, dans ces années-là, c'était pas comme aujourd'hui, Danny. Le Canadien de Montréal, là, avait le contrôle de tout ce qu'il faisait, même avait le contrôle de la ville de Montréal. Ils en ont caché des choses, là, à Montréal, qui sont arrivées, puis qu'avec la complicité, des gens dans la ville-là, ils réussissaient à cacher certaines choses. Alors, c'était pas la même situation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que de la façon que ça fonctionne, tu peux même plus te cacher de rien. Tu peux même plus te cacher dans ta maison même. Alors, c'est pas la même réalité. Et puis, c'est facile de juger ça. Mais est-ce que Ronald Coré, à cette époque-là, avait peut-être pas pris les bonnes décisions ou avait peut-être pas mis les bonnes personnes en place? Je pense que oui, c'est une des raisons. Mais la pression était tellement forte, c'était même pas une vague, là, c'était un tsunami qui envahissait Montréal. Et puis, c'est sûr qu'il y a peut-être un côté panique, mais tu sais, dans cet échange-là, Réjean Houle, il n'a pas pris cette décision-là tout seul, là, Non. de qui on échange, puis de comment, qu'est-ce qu'on fait. Les Canadiens ont sûrement pris une décision avec tout le monde, puis ben, lorsque Parce tu que prends une décision comme ça. l'erreur, parce que tu rappelles-toi, c'était Colorado-Détroit, il y avait une grosse rivalité entre les deux formations. Tu avais également Philadelphie qui cherchait un gardien de but à l'époque aussi. Peut-être que ces trois équipes-là Oh auraient. non, Ouais. moi je regarde pas ça. Non, non, non, Non, faut pas, pourrait avoir faut pas, plus. faut... Non, non, mais faut pas focusser sur où il l'a envoyé. T'sais, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu avoir peut-être à Philadelphie, ça aurait peut-être pas été mieux. Moi, c'est pas sur où on l'a envoyé qui me dérange. C'est qu'est-ce que dans le fond tu as eu en Ben ouais. retour par rapport à qu'est-ce que tu envoyais. Puis, tu sais, les Nordiques étaient des discussions. Marcel Aubut avait eu quand même l'audace d'appeler à Montréal puis d'essayer d'avoir Patrick Roy à l'époque. Alors, tu sais, Québec est sûrement dans le coup. Et puis, tu sais, il y a des endroits. Non, je pense pas que Colorado, c'est un endroit qu'aujourd'hui, qu'il faut dire, il n'a pas envoyé à la bonne place, là. Est-ce que Patrick C'est. aurait eu les mêmes chiffres si il aurait été échangé? Parce que, tu sais, faut être honnête, le fait qu'il ait été échangé à Colorado, ça est dans une bonne équipe, ça y a au moins, ça y a permis de gagner deux autres Coupes Stanley. Probablement que s'il aurait été échangé aux Islanders de New York ou aux Flames de Calgary, ça aurait pas été la même affaire du tout, Ouais, mais c'est quoi, je veux dire, c'est pas important. Tu là. sais, Ouais. je veux dire, on peut pas discréditer la Non. carrière de Patrick Non, parce qu'il s'est retrouvé avec une bonne équipe. non. On pourrait dire la même affaire avec, d'abord, on va dire la même affaire avec Martin Brodeur. Ouais. Ouais. Il a joué avec des équipes ultra, ultra défensives dans un système défensif. Là, est-ce que ses stats sont pas bonnes à cause de ça? Non. Non. Non, non, non, non. Patrick connaît une carrière exceptionnelle. Je pense que l'important, c'est de focusser sur, à ce moment-là, quand le Canadien a pris la décision, Mario Tremblay, on peut revenir sur Mario Tremblay aussi. Tu sais, Danny, c'est rendu quand le bon temps d'enlever un gardien de but? Il n'y a jamais un bon temps pour enlever un gardien de but. Parce qu'on a eu la preuve qu'Harry Price avait pété sa coche aussi dernièrement. Parce que je pense qu'il avait accordé 6 buts avant qu'on l'enlève. Il n'était pas content. Il avait voulu rester. Non, je veux débarquer. Tu sais, à un moment donné, Danny, là, la ligne est tellement mince, puis d'un athlète à un autre, il n'y a pas personne qui a le même orgueil et tout. Alors, moi, je pense que c'était un terrain qui était très glissant. Et puis, ce geste-là qui est arrivé, ça démontrait qu'il y avait un torchon qui brûlait Ouais. déjà à l'intérieur. Et puis, c'est une marmite qui était prête à sauter. Et puis, regarde, je pense que c'était Est-ce le que timing. parce que c'était connu que Serge Savard voulait changer Patrick Roy, c'était une question de jour. On sait même les joueurs que le Canadien a obtenus, c'est Owen Nolan et Stéphane Fizet. Est-ce que peut-être que Mario s'est dit qu'il a dit je vais le remettre à sa place, Patrick, puis il prend trop de place, puis on va le remettre à sa place. C'était une guerre entre deux cloques, en deux coupes, dans le fond, là. Ben, peut-être que Mario a laissé Patrick dans les buts un peu plus longtemps par vengeance, je sais pas. Je pourrais pas dire ça, mais d'un autre côté, on connaît pas l'histoire dans les portes fermées. Hein. On sait pas à 100% c'était quoi la relation entre les deux. Non, je sais pas. Mais honnêtement, là, pour avoir été dans le milieu, là, pour avoir été coach, pour avoir été directeur gérant, c'est du cas par cas, Danny. Puis chaque athlète réagit différemment. Et puis c'était non, c'est moi je pense que ça devait arriver. Et puis c'est mal arrivé. C'était pas une bonne situation pour que ça arrive. Mais je pense que la marmite était trop prête à sauter pour que ce soit inévitable. En tout cas, on a été longtemps, je pense, à payer ça. Ça a été au moins 10 à 15 ans que le Canadien a payé. Puis c'est sur les années de Bergevin, dans le fond, qu'on a commencé à sentir un peu que ça revenait. Marc, on va-tu avoir du hockey cette année? Ben, cette année, on parle de 2020, je pensais pas, mais 2021, je te cet parle, ok. hiver, ouais, cet hiver, j'espère. Je pense que oui. Je Ok. pense que oui. Je pense que là, sais, oui, avec les fêtes, ça fait peur de nouvelles éclosions, là, mais je pense qu'on s'en vient vers peut-être un remède éventuellement là, qui pourrait sortir début 21, comme les experts le disent. Alors, je pense que ça amènerait ça amènerait de la confiance là, de pouvoir reprendre nos activités normales, là. Alors, on espère que ce vaccin-là va venir le plus vite possible, mais je crois que la Ligue nationale va tout faire en son possible pour qu'on ait du hockey en 2021. OK. Marc, un gros merci. On se reparle pour le temps des fêtes avec la rétrospective de l'année. Merci, Dani. Notre ami Marc Fortier.